French in Action, Lesson 6. Leçon 6, portrait. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de la jeune fille de l'histoire. D'accord ? Si vous voulez, c'est vous le professeur, c'est vous qui décidez. Ah, mais non, moi, je propose, mais nous discutons et nous décidons ensemble. Voyons, essayons. Dans l'histoire, nous allons avoir une jeune fille. Pas une vieille dame, pas une jeune femme, pas une petite fille, mais une jeune fille. Cette jeune fille va être française et son prénom va être Mireille. Commençons par son portrait physique. Est-ce qu'elle va être grande ou petite ? Grande. Petite. Disons qu'elle va être plutôt petite. Elle n'a pas l'air costaud, elle a l'air fragile, mais en réalité, elle n'est pas fragile du tout. Elle n'est pas malade. Vous pensez bien qu'avec une mère qui travaille au ministère de la Santé, en fait, sa santé est excellente. Elle est même très sportive. Elle fait beaucoup de sport. Elle fait du karaté, du vélo, du ski, du tennis, du cheval, du patin à glace, du canoë, du deltaplane, de la voile, de la planche à voile, de la natation, de l'escrime, de l'alpinisme, de l'athlétisme, tout quoi. Est-ce qu'elle va être mince ou un peu forte ? Mince, évidemment, puisqu'elle a l'air fragile. Est-ce qu'elle va avoir le cou long ou court ? Mince ou épais ? Bon, elle va avoir le cou plutôt long et mince. Et la taille ? Est-ce qu'elle va avoir la taille fine ou épaisse ? Bon, elle a la taille fine. Et les doigts ? Est-ce qu'elle va avoir les doigts court et épais ou long et fin? Elle a les doigts longs et fins. Et elle a aussi les jambes longues et fines. Le visage maintenant. Est-ce qu'elle va avoir le visage ovale, allongé, rond, carré, ovale? Bon, disons qu'elle va avoir le visage ovale. Est-ce qu'elle va être blonde, brune, rousse ou châtain ? Voyons. Elle va être blonde. Dommage, parce que moi, je préfère les brunes. Tant pis pour vous. Mireille est blonde et va rester blonde. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir les cheveux longs ou courts ? Qu'est-ce que vous préférez ? Long. Très bien. Je suis d'accord. Elle va avoir les cheveux blonds et longs. Et les yeux ? Est-ce qu'elle va avoir les yeux noirs, les yeux marrons, les yeux gris ou verts, ou bien les yeux bleus ? Les yeux bleus. Bon, c'est d'accord. Elle va avoir les yeux bleus, les deux. Elle va avoir les deux yeux bleus. Voilà le portrait physique de Mireille. Elle est plutôt petite, elle a l'air fragile, mais sa santé est excellente et elle est très sportive. Elle est mince, elle a le visage ovale, les cheveux blonds et les yeux bleus. Maintenant, faisons le portrait moral de Mireille. Au moral, elle est vive et elle a l'esprit rapide. Elle est intelligente, très raisonnable, très sociable, un peu moqueuse peut-être, mais elle n'est pas méchante du tout. Elle a très bon caractère.